avant, le premier tracker, il est arrivé quand? Moi, je ne sais pas, enfin... Quand tu es arrivé là, il y avait déjà donc, le tracteur rouge. Oui. Qui n'était pas le premier tracteur, parce que l'Algaillère était arrivé avant. Et le tracteur rouge, il est arrivé en 63. Et c'était un gros tracteur à l'époque, parce qu'il faisait 50 chevaux. Ah oui. Et après, il y a eu d'autres... Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre matériel? Non, mais les tracteurs sont allés de plus en plus puissants. Parce que le tracteur blanc est arrivé en 72. Ça, c'est une chose que je... En 72. Et le Zetor est arrivé en 76. Il y a eu le rouge, le blanc, il y a eu le bleu. Non, il n'y avait pas de bleu, il n'y avait pas de vert. Non. Mais ils ont des marques, ces tracteurs. Le rouge et le blanc, c'était David Brown. Ah oui, David Brown. Mais, et oui. Donc après, donc quand la puissance du tracteur augmentait, il fallait prendre du matériel plus fort. Plus adapté aussi. Plus important. Ouais. Plus important pour valoriser le tracteur. Donc, ah oui. On est passé d'une charrue deux corps à une charrue trois corps. Mais moi, je me rappelle voir travailler avec les chevaux. Ah, tu te rappelles quand vous parlez Catel? Oui, Catel, elle a évoqué. Armel, elle a évoqué Catel. Catel qui mangeait le grain des poules. Oui, la pâtée des poules. La pâtée des poules. Elle circulait un peu comme elle voulait, là, je pense. Ah oui. Oui, et les poules aussi. Ah ouais, tout était en liberté. Oui, tout était en liberté. Ouais, il n'y avait pas de grippe aviaire. Hein. Non, à l'époque. Ouais. Bah non, les poules allaient sur le tas de fumier. Ah oui. Et pour nous. Voilà, c'était le grand sport consistait à trouver le nid des poules. Quand on trouvait un nid, il y avait 12 œufs dedans. Oh là là. Et les derniers, et les premiers étaient pourris. Quoi,